Bonjour à tous et à toutes, enchanté, je m'appelle Xavier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la seconde partie sur le podcast spécial Noël, sauf que cette fois, après l'histoire de Noël, on va s'intéresser directement au Père Noël. Dans la partie de ce second podcast, nous allons aborder l'histoire du Père Noël. Qui est-il? D'où vient-il? Quel est son âge? Qui sont les animaux qui l'accompagnent? Les fameux rennes? Bref, on va essayer de connaître un petit peu plus de sa vie. Et le second podcast commence maintenant. Au départ, en 1863, le dessinateur Thomas Nast esquisse les premières ébauches du Père Noël, un petit peu comme on le connaît de nos jours mais sous formes différentes, mais avec les mêmes formes et un petit peu les mêmes couleurs. Il avait fait cela dans le journal américain du Harper Illustrated Weekly. Les premières esquisses qu'il y avait étaient vraiment très ressemblantes par rapport à la couleur, par rapport à la forme, par rapport à l'embonpoint du personnage que l'on connaît aujourd'hui au XXe siècle. Mais à l'origine, il voulait quand même essayer de personnifier ce bonhomme, essayer de lui donner une identité, un être, un aspect, quelque chose de bien spécifique pour l'ensemble de la société américaine. Il voulait quand même faire en sorte que ce personnage puisse essayer d'amener le symbole du bonheur et de la joie et de la réunion pour l'ensemble des citoyens américains. Mais en fait, Thomas Nast n'a pas réellement créé, à proprement parler, ce personnage-là. Il s'est inspiré d'un saint, de Saint Nicolas, qui avait vécu entre 250 et 270 après Jésus-Christ, à peu près. On n'a pas beaucoup de traces sur ce Saint Nicolas. Il se faisait appeler Saint Nicolas de Myre. Il naquit à Pataral, c'était en Asie mineure. Il fut le protecteur des enfants, des veuves et des gens dans le besoin. Il fut décédé le 6 décembre 343, sous la pression des persécutions de l'Empire romain. De nos jours, même si Saint Nicolas a l'image du don aux enfants, il est quand même l'inspiration de nombreux groupes de personnes, que ce soit les navigateurs, les prisonniers, les avocats, les combattants. Lors de sa tournée, durant les fêtes de fin d'année, Saint Nicolas était toujours accompagné d'un autre personnage que l'on appelle le Père Fouettard. Les deux étaient ensemble pour pouvoir récompenser et punir les enfants qui étaient sages ou les autres qui avaient fait plein de bêtises. Saint Nicolas était plus là justement pour récompenser par des jouets, de l'argent, des petites pièces, des cadeaux. Alors que le Père Fouettard était plus là pour soit donner des pommes de terre, du charbon, des oignons, et d'autres petits trucs un petit peu plus néfastes pour les enfants qui étaient moins sages. Et justement, Thomas Nast a voulu justement montrer que les fêtes de fin d'année et les périodes de fêtes de fin d'année étaient quand même symboles de joie et de bonheur. C'est pour cela qu'il s'est beaucoup basé sur le personnage de Saint-Nicolas de Myre pour créer et pour mettre en avant le personnage du Père Noël. Dans la prochaine partie, nous allons voir sous quelle forme est-ce que le Père Noël, les rennes, les lutins et autres, tout cela a émergé à partir du XVIIe siècle. Mais auparavant, nous allons nous faire une petite pause musicale. Carol of the Bell, mythique chant traditionnel spécialement pour Noël. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, il y a eu des Hollandais et des Allemands qui ont émigré aux États-Unis. De par cela, voulant fuir leur pays, soit par rapport aux conditions de vie, par la pauvreté, ou alors l'envie de pouvoir s'expatrier dans un pays plus riche, ces deux pays, principalement, ramenèrent, en plus de leur personnalité bien sûr, leurs coutumes, et Saint-Nicolas devint là-bas Santa Claus. Depuis l'arrivée de la légende de Saint-Nicolas aux États-Unis, l'idée se développa dans l'esprit des écrivains et des dessinateurs. L'écrivain Clement Clark Moore imagina un personnage vraiment haut en couleur. Manteau blanc, barbe, etc. Cela dans un but de le rendre plus populaire et plus convivial. Clement Clark Moore s'inspira énormément des coutumes allemandes et hollandaises pour pouvoir imaginer et créer le personnage du Père Noël. L'auteur écrivit en 1821 The Night Before Christmas, dans lequel le Père Noël apparaît aux côtés de 8 reines. On peut nommer Danseur, Cupidon, Fringant, Furie, Comète, Tornade, Éclair et Tonnerre. Je vais vous lire ce poème. La nuit avant Noël de Clément Clark Moore, 1779-1863. C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit, à l'heure où tout est calme, même les souris. On avait pendu nos bas devant la cheminée pour que le Père Noël les retrouve dès son arrivée. Blottis bien au chaud dans leur petit lit, les enfants sages s'étaient déjà endormis. Maman et moi, dans nos chemises de nuit, venions à peine de souffler nos bougies. Quand, au dehors, un bruit de clochette me fit sortir du dessous de ma couette. Filant comme une flèche vers la fenêtre, je scrutais tout là-haut le ciel étoilé. Au-dessus de la neige, la lune, étincelante, illuminait la nuit comme si c'était le jour. Je n'en crus pas mes yeux quand apparut au loin un traîneau et 8 rennes, pas plus gros que le poing. Dirigé par un petit personnage enjoué, c'était le Père Noël, je le savais. Ses coursiers volaient comme s'ils avaient des ailes et lui chantaient avant de les encourager. Allez Tornade, allez Danseur, allez Furie et Fringant. Et en avant, Comète et Cupidon, allez Éclair et Tonnerre, tout droit vers ce porche, tout droit vers ce mur. Au galop mes amis, au triple galop. Pareil aux feuilles mortes, emportées par le vent, qui montent vers le ciel pour franchir les obstacles. Les coursiers s'envolèrent jusqu'au-dessus de ma tête, avec le traîneau, les jouets et même le Père Noël. Peu après, j'entendis résonner sur le toit le piétinement fougueux de leurs petits sabots. Une fois la fenêtre refermée, je me retournai, juste quand le Père Noël sortait de la cheminée. Son habit de fourrure, ses bottes et son bonnet étaient un peu salis par la cendre et la suie. Jeté sur son épaule, un sac plein de jouets lui donnait l'air d'un bien curieux marchand. Il avait des joues roses, des fossettes charmantes, un nez comme une cerise et des yeux pétillants, une petite bouche qui souriait tout le temps et une très grande barbe d'un blanc vraiment immaculé. De sa pipe illuminée, coincée entre ses dents, montaient en tourbillon des volutes de fumée. Il avait le visage épanoui et son ventre tout rond sautait quand il riait, comme un petit ballon. Il était si dodu et si joufflu, cet espiègle lutin, que je me mis malgré moi à rire, mais à rire derrière ma main. Mais d'un clin d'œil et d'un signe de tête, il me fit comprendre que je ne risquais rien. Puis, sans dire un mot, car il était pressé, se hâta de remplir les bas jusqu'au dernier et me salua d'un doigt posé sur l'aile du nez, avant de disparaître dans la cheminée. Je l'entendis ensuite siffler son bel équipage. Ensemble, ils s'envolèrent comme une plume au vent. Avant de disparaître, le Père Noël cria « Oh, oh, oh, et joyeux Noël à tous et à tous une très bonne nuit !» Voilà donc le conte écrit par Clément Clark Moore qui raconta un petit peu sa rencontre imaginaire avec le Père Noël. Dans la même symbolique que l'histoire du Père Noël, il y a aussi les lutins. Les lutins sont les espèces de petits fabricants de jouets dans l'atelier du Père Noël. Ils apparaissent dans un conte nommé « Visit from Saint Nicolas » apparu dans le journal The Sentinel le 23 décembre 1827. En plus de la fabrication des jouets, les lutins servent aussi comme petits passager secondaire du traîneau pour la distribution des cadeaux aux enfants et aux adultes. Et c'est justement en 1863 que l'écrivain Thomas Nast, dont on avait parlé au début, créa et finalisa le symbole et le personnage du Père Noël que l'on connaît toujours de nos jours. Et justement, il identifia et personnifia le Père Noël vraiment comme étant un bonhomme bedonnant, portant une ceinture noire, des habits rouges, un bonnet rouge, une grande barbe blanche, un petit bonnet à grelots, mais toujours reconnaissable pour pouvoir identifier ce personnage hautement symbolique. Le Père Noël, pour Thomas Nast, a un caractère jovial, ventru, et toujours là pour les enfants, les adultes et les familles, aussi bien les riches que les pauvres. Le Père Noël ne fait pas de différence de classe sociale. Le Père Noël ne voit pas la richesse et la pauvreté. Il ne voit que des êtres humains, quelle que soit la classe sociale, riche, pauvre, petit, grand, tout type de physique, tout type de couleur de peau, tout type de sexualité, tout type d'aspect, tout type de façon de penser. Il voit simplement des êtres humains, sans faire aucune différence entre chaque personne. Et en cela, justement, le Père Noël est aussi un symbole, est aussi un symbole fort pour toutes les personnes qui peuvent être là, sur Terre. Car il peut aussi nous donner un petit peu d'espérance, l'espérance que chaque personne est unique et que nous tous, ensemble, on peut vivre ensemble, quelles que soient nos différences. Mais la réalité de l'histoire, c'est aussi que le Père Noël n'a pas eu que des amis. Il a aussi une vision par l'Église catholique qui a été très mauvaise à une certaine époque. L'article du Parisien, du 23 décembre 2018, nous stipule cela. Le 23 décembre 1951, le Père Noël est brûlé sur le parvis de Notre-Dame à Dijon. Cela par le clergé qui ne veut pas de la représentation de la naissance du Christ, soit par la symbolique du Père Noël. Pour eux, pour le clergé, le personnage est une offense à la foi et à la croyance en Dieu. Pour le clergé, le Père Noël est plus symbole de blasphème plutôt que de bonheur. Pour l'Église, le Père Noël représente l'hérétisme, l'usurpation, le mercantilisme et autres païanismes. Cela se traduisit par une action de brûler le Père Noël devant les enfants qui, pourtant, avaient ce dernier en admiration. Cette symbolique. Il faut savoir que même sur les périodes d'après-guerre, la religion catholique et chrétienne avait une effervescence et une puissance réellement importante à l'époque. Les familles avaient perdu des proches durant la guerre. Et elles se raccrochaient à la religion dans un cadre d'apaisement ou de sérénité. L'Église catholique et chrétienne avait quand même un impact fort à cette époque-là. Et décida donc à ce moment-là de détruire les symboles qui pouvaient être les valeurs qui étaient contraires à la religion, qui étaient impropre à la croyance religieuse. Et justement, à cette époque-là, le Père Noël était, pour l'Église catholique et chrétienne, le pire symbole qu'il puisse y avoir. C'est pour cela que les clergés décidèrent de prendre un Père Noël et de le brûler sur la place de Dijon, sur le parvis de Notre-Dame de Dijon. On peut donc voir par cela que même si le Père Noël, les reines, les lutins et autres sont un symbole de joie et de bonheur. Quelque part, indirectement, Il y a aussi l'Église catholique qui a voulu s'approprier à cette époque-là la puissance de la société et essayer de détruire tous les symboles qui pouvaient être un petit peu contraires à tout ce que le clergé et la religion pouvaient contredire ou alors avoir comme adversité. Dans la dernière partie de ce podcast, nous allons aborder le Père Noël, Papa Noël, dans la culture populaire. Comment est-ce qu'il est représenté? Sous quelle forme un petit peu? Par rapport à quel pays? Vers quelle date? Et autres. Nous allons voir cela dans la dernière partie de ce podcast. Mais avant d'aller plus loin et de terminer cela, nous allons nous faire une dernière pause musicale. Et voilà, nous venons donc d'écouter le groupe Audio Result qui vient de composer Merry Christmas. Et maintenant, nous allons entamer la dernière partie, donc du Père Noël dans la culture populaire. Dans la culture populaire, le Père Noël revêt quand même une image symbolique forte. Dans le domaine musical, il y a eu, dans les années 60, comme on avait vu dans le premier podcast, Tino Rossi, qui avait chanté Petit Papa Noël, ou plutôt qui avait fait découvrir Petit Papa Noël grâce au film Destin. Il a fait d'autres musiques, comme Douce Nuit, Minuit Chrétien et autres. Il y a eu aussi, aux États-Unis, Bing Crosby, qui avait joué et qui avait chanté des chants très connus comme « White Christmas »,« I'll be home for Christmas »,« Silent Night »,« Oh Holy Night ». Et justement, toute cette culture-là, ces deux pays, comme la France et les États-Unis, ont permis de pouvoir expanser encore plus les bases de certaines chansons traditionnelles à travers le monde et à travers l'Europe. Et c'est grâce à ces deux pays-là, les États-Unis et la France, que la culture populaire de Noël s'est encore plus expansée à travers le monde. Même si, comme on avait vu auparavant, en Hollande, en Allemagne, en Espagne et autres, les chanteurs ont déjà leur propre culture. Les deux pays, comme la France et les États-Unis, ont permis de pouvoir encore plus expanser tout cela. Dans la culture aussi populaire, il y a eu l'image du Père Noël qui a été utilisée à des fins de commerce. On peut citer, par exemple, en 1931, l'entreprise américaine Coca-Cola utilisa l'image du Père Noël pour pouvoir vendre encore plus ses boissons. Ils firent un régime XXL au Père Noël. Ils le firent beaucoup plus ventru. Ils changèrent son physique en mec très très imposant, allongé à sa barbe. Ils lui donnèrent des habits encore plus spécifiques, encore plus rouges pétants, et une ceinture noire encore plus voyante. Ils le rendirent par rapport à la publicité encore plus jovial et encore plus souriant, et pour que cela puisse taper encore plus auprès du jeune public, des enfants, des ados et aussi des adultes, bien sûr. L'entreprise Ferrero utilisa non pas l'image du Père Noël, mais l'image de Noël à proprement parler, la symbolique que cela représente. Lorsque vous prenez un Ferrero Rocher, vous pouvez voir, avec un petit peu d'imagination, que soit cela ressemble, petite guirlande, à un espèce de petit flocon de neige, ou alors à une petite boule de décoration pour les sapins. Et justement, Ferrero a gardé tout au long de sa vie, et il continue encore à garder ces espèces de petits symboles, ou même durant l'année, lorsque l'on achète des chocolats comme ça, cela nous fait toujours un petit peu penser aux fêtes de Noël et aux veillées de Noël, symboliquement, bien sûr. Et pourtant, même si cela n'est qu'un symbole, cela continue à bien vendre, parce qu'on n'utilise pas l'image d'un personnage, mais l'histoire, ou plutôt le symbole d'une période. Et en cela, c'est un merchandising qui est vraiment important et qui est quelque part assez beau, car aussi cela fonctionne. Mais aussi cela ramène un petit peu de douceur lorsque l'on mange cela. Il y a aussi les entreprises comme Lego et Mattel, Playmobil et autres, qui sont de grandes marques et de grandes entreprises spécialement pour les jouets. À l'origine, c'est vrai que c'est quand même destiné principalement pour les enfants, mais il y a aussi quelquefois des adultes qui s'amusent à construire ça, parce que ça peut... Voilà, il y a quand même un petit retour à l'enfance qui n'est pas négligeable. Il faut savoir que ces sociétés-là, qui sont donc spécialisées pour les jouets, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, ont quand même, durant cette période-là, ont quand même tout un merchandising, tout un commerce, spécialement entre le mois de novembre et le mois de décembre, mais qui proposent et qui font des jouets et des amusements spécialement sur, pas seulement le Père Noël, mais sur l'ensemble et la symbolique du Père Noël. Accessoirement, ces entreprises-là, que ce soit Lego, Mattel, Playmobil et autres, augmentent leur chiffre d'affaires de 35 à 40% sur justement ces périodes-là spéciales Noël. Le Père Noël, dans la culture populaire, a aussi un petit aspect culinaire, on va dire. Les repas de Noël sont vraiment importants pour les familles, les amis et autres. Et en cela, justement, la symbolique du Père Noël a été aussi transmise pour le côté gustatif. Les plus beaux symboles qu'il puisse y avoir, c'est simplement la bûche de Noël. C'est souvent des bûches pralinées, avec un travail qui est quand même très très long à faire, avec plusieurs couches de mousse, de chocolat, voilà, plein de choses. Et pourtant, cette bûche de Noël, à la fin, au niveau culinaire, amène un espèce de petit côté de chaleur. Au même titre que les sapins qu'il peut y avoir avec toute la décoration, les boules et les guirlandes et autres. Le Père Noël, justement, même au XXIe siècle, a toujours, justement, cette espèce de petit symbole d'espérance. Et même sur le côté culinaire, Souvent, les plats les plus traditionnels, c'est souvent pour la plupart des personnes qui peuvent le faire, mais c'est souvent une entrée assez légère, un plat consistant et à la bûche à la fin. Et justement, des fois, même si l'entrée et le plat de résistance, voire le fromage, c'est assez différent pour chacune des personnes, ou alors chacune des réceptions, ou chacune des familles, la bûche de Noël, c'est toujours le symbole principal de la période. Pourquoi est-ce que l'on utilise la bûche? C'est vrai que c'est un mets culinaire qui est excellent, mais à côté de cela, ça représente aussi le symbole du feu de la cheminée, la chaleur, les retrouvailles et la famille. Et justement, c'est un des plus grands symboles qu'il puisse y avoir par rapport au soir de Noël et au lendemain. Et justement, c'est cette petite partie-là de souvenirs et de périodes de fête, je pense, que l'on doit garder le plus possible tout au long de l'année, mais encore plus durant les fêtes, car c'est vraiment un moment de rassemblement que l'on peut espérer le plus convivial possible. En définitive, en partant du principe que le Papa Noël a une image historique qui est très forte, elle peut être quand même très divergente suivant les pays de provenance et leur culture. Les périodes historiques, la culture populaire a réussi à se parer de l'image et de la symbolique de cette période spécifique durant l'année, ainsi qu'aux personnages, afin de mettre en exergue soit un but commercial, soit pour mettre en avant une culture populaire, spécialement pour les fêtes de Noël. L'histoire nous y a démontré que le Père Noël a eu un passé avec des altérations culturelles et religieuses. Ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas une image qui est forte, toujours aujourd'hui de nos jours. Toutefois, que ce soit le personnage ou la période des fêtes, les différentes cultures, les différentes entités peuvent permettre aux différentes personnes instituant cette période de se lâcher un petit peu plus pour ressentir une certaine quiétude et certains apaisements par rapport au fait de célébrer ou alors de commémorer les fêtes. Même si on sait bien que pour pas mal de personnes, il y a quand même un but religieux par derrière. Mais je pense que le symbole des fêtes de Noël n'est pas obligatoirement que religieux. Il peut aussi y avoir un aspect traditionnel et vraiment fort de réunion et de retrouvailles. Et surtout en restant sur la joie et sur la bonne humeur. Pour terminer totalement ce podcast, je vais me permettre de faire une petite digression à ce dernier, pour vous raconter une petite anecdote personnelle. Pendant quelques années, j'ai été animateur, accompagnateur pour des adultes handicapés avec des handicaps plus ou moins lourds dans une petite association de la ville où je suis. Et en fait, chaque année, je m'amusais en fait à emprunter le costume du Papa Noël pour pouvoir offrir des chocolats sur les repas de fin d'année. Et en fait, est-ce que c'était le fait que ce soit des personnes handicapées ou autres, je ne sais pas. Mais je sais qu'à chaque fois que j'empruntais le costume de Papa Noël pour offrir quelques chocolats et autres aux adhérents dont je m'occupais, dont on s'occupait, vu que l'on était plusieurs animateurs, bien sûr, il y avait toujours cette joie et ce bonheur de pouvoir se retrouver ou de passer un moment convivial autour d'un énorme repas et de petits trucs, voilà, sans qu'il y ait d'énormes cadeaux, mais c'était vraiment une symbolique des fêtes de Noël et du repas de Noël. Et même si j'empruntais ce costume à Papa Noël, je voyais quand même la joie et le bonheur des personnes dont on s'occupe, et même des autres animateurs, pour pouvoir offrir un petit truc et justement avoir ce petit moment de partage avec eux. Je pense que c'est le genre de choses que l'on n'oublie jamais lorsque l'on vit cela. Il n'y a pas besoin de gros cadeaux, simplement des moments de joie et de partage. Et des fois, il n'y a pas besoin de dire de grands termes pour que l'on puisse voir la joie et le bonheur du fait d'être avec d'autres personnes, qu'ils soient handicapés ou non, bien sûr. Mais tout peut se lire des fois sur un simple regard. Et voilà donc ce second podcast spécifié spécialement sur l'histoire du Père Noël vient de se terminer. J'espère que, en plus du premier podcast avec l'histoire de la symbolique de Noël à proprement parler, j'espère que les deux émissions vous auront plu en tout cas. Et je vous dis à bientôt sur un nouveau thème. Et surtout, quoi qu'il arrive, passez de bonnes fêtes.